Sur un instable, mon cœur dort au sommeil doux comme la mort. Mon esprit de la bien-aimée. Sur ton sein.